Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Auditrice, auditeur de Sorgia FM, bonjour. C'est Michel qui est en votre compagnie ce dimanche pour vous présenter, pour vous proposer Accordéon Parade. Et ce dimanche, eh bien Michel est bien dans les studios de Sorgia FM puisqu'il est 9h05 dans quelques minutes, dans deux minutes, ça sera 9h05. Et la radio, c'est 91 MHz Sorgia FM. Accordéon Parade, c'est le plateau d'accordéoniste. Le bonjour de l'accordéon tous les dimanches entre 9h et 10h. Et puis c'est une émission pour les mordus du dépliant. Pour commencer cette émission, eh bien j'ai fait appel à l'accordéoniste qui joue en ce moment accordéon musette, eh bien Albert Huard, mais Albert Huard Junior. Thank you. Eh bien oui, un grand merci à Angélique et ses musicaux qui viennent nous interpréter que la Bretagne est en fête aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous fêtons les Patrick. Alors, on va souhaiter bonne fête à tous les Patrick et on va écouter Jimmy Sang, puisque la Saint-Patrick, je crois, c'est le patron de l'Écosse. Alors, on va écouter Jimmy Sang, sympathique à Côte de Nice, qui nous vient d'Écosse. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Comme tous les dimanches, c'est du direct sous les 91 MHz de Sorgia FM. Michel vous propose Accordéon Parade. Oui, je sais, la semaine dernière, Michel a pris un bout de jour de congé. Mais de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc, Accordéon Parade, c'est le plateau d'accordéoniste. C'est le bonjour de l'accordéon. Et c'est 100% musette sur la bande FM tous les dimanches. Et tous les dimanches, Michel vous propose des morceaux entraînantes. Oui, pour les valses, on dit entraînantes. Thank you. grand succès de Monsieur Émile Prudhomme, créé en 1950, Le Réveil du Square. Et c'est notre ami Michel, oui, Michel Pruvot, qui vient d'interpréter ce merveilleux morceau. Allez, on va continuer avec... On va trinquer avec André Verschuren, qui nous dit, eh bien les gars, trin trin, à votre santé. Je voudrais tant que tu ne regardes que moi. Et surtout ne me jamais jaloux. C'est une chose qui me rendrait fou. Mais le señorita, tu seras mon combat. Pour toi oublier tous mes amours d'autrefois. Passe au double bien la belle salade. J'ai une folle envie de t'enlacer. Chanter, jouer. Olé, Maria, tu es si belle, Maria, fille cruelle. ciel. Dans tes yeux, une étincelle, je suis de plus en plus amoureux. Maria et tes dentelles, Maria, tombe sur scène. Je vois dans tes yeux de l'âme qui brille, petite fille, toujours amoureux d'une. Thank you. feu les amoureux, on y va. Merci à Karen Neuville de Longchamp-Saunier qui vient nous interpréter deux merveilleux tangos. Merci à cette sympathique jeune fille. Et puis je vous rappelle que vous êtes bien sur les 91 MHz sur GFM, vous êtes en compagnie de Michel qui vous propose, et c'est tous les dimanches, c'est en direct, Accordéon Parade. Puisqu'il y a quelques instants, j'ai reçu un coup de fil qui vient de Nantua, enfin la région de Nantua, m'a demandé une dédicace pour ce dimanche et il m'écoute sur Internet. En parlant d'Internet, auditrice, auditeur de sur GFM, je vous signale que vous pouvez me retrouver toute la semaine avec Podcast Internet sur GFM. Et Accordéon Parade. Accordéon Parade, c'est une émission 100% musette, une émission pour les mordus du dépliant, pour les amoureux de l'accordéon. Et c'est tous les dimanches, 9h-10h. Et la semaine passée, la semaine dernière, je vous ai parlé du printemps dans Accordéon Parade. Eh bien non, je n'étais pas dans les studios de sur GFM. C'est pour ça que c'est une vieille émission qui a passé et je parlais du printemps. Mais aujourd'hui, c'est notre ami Mimile Prudhomme qui a deux mots à nous dire sur le printemps qui arrive, hein, Mimile. Alors Mimile, qu'est-ce qui va se passer? Après les sports d'hiver, on revient tout de suite dans les bois avec les petits oiseaux qui chantent. Et voici le plaisir des bois. Oh, on va chercher des fraises. Thank you. Merci à Mimile Prudhomme pour ce petit cri d'oiseau et puis cette merveilleuse Waldtandrée Verschuren, Verschuren, plaisir des bois. Et maintenant, nous allons en Espagne. Édouard Duleux. Bonsoir, Monsieur René Saget et son accordéon. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et bien sûr que vous êtes toujours à l'écoute des 91, des 91 MHz de votre radio sympathique Sorgia FM. Maintenant, une petite polka. Toujours en compagnie de Michel sur les 91 MHz de Sorgia FM et c'est du direct. La semaine dernière, non, ce n'était pas du direct, mais cette semaine, c'est du direct puisqu'il est 10h moins de quart et Michel vous présente Accordéon Parade. Et aujourd'hui, nous fêtons les Patrick. 100% musette sur la bande FM, c'est avec Michel et ses amis accordéonistes. Merci à Oscar Thomas qui vient de nous interpréter une merveilleuse valse de notre ami Louis Ferrari, Domino. Et maintenant, nous allons écouter une sympathique accordéoniste qui nous vient de Châtillon-Méchaille. C'est Corinne Muller qui nous interprète style, mais pas n'importe quel style, c'est un style musette par Corinne Muller de Châtillon-Méchaille. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Corinne Muller dans différentes manifestations sur le bassin bellegardien. Le premier

senteur de Paris. Mets-toi de son bon Ginette, puisqu'on va danser, se frotter pour Balmusette toute la soirée. Mets-toi du son bon Ginette, car ça va chauffer. Mets-toi donc de l'eau de toilette, ça me fait chavirer. J'aime les effluves de vanille qui font biquiner, et l'air du bois de Chaville, brise du Muguet. Parle-moi d'un vieux Boston sur fond mimosa, et même d'un Charleston dans tes yeux lilas. Mets-toi du sang bon Ginette, puisqu'on va s'aimer. Mets-toi un truc qui t'en jette, comme ça à venir. Mets-toi du sang bon Ginette, de la tête aux pieds. Ce soir on va faire la fête, on va s'amuser. Allez vas-y Ginette, mets-toi du sang bon ce soir. On va faire la fête, on va s'amuser ce soir. Balmusette toute la soirée. Mets-toi du sang bon Ginette, car ça va chauffer. Mets-toi donc de l'eau de toilette, ça fait chavirer. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et comme on arrive à 10h ce dimanche matin 17 mars, je vous signale que c'est du direct. Donc ce 17 mars, il est 10h et vous êtes bien à l'écoute des 91 MHz de Sorgia FM avec Michel. Oui, Michel, des auditeurs ont téléphoné à la radio en disant « Oui, Michel, on avait demandé des dédicaces, c'est pas venu, comment ça se fait ?» Eh bien oui, le Michel, de temps en temps, il fait faux bon. Et on passe une émission d'accordéon qui a été enregistrée. C'est pour ça que vous n'avez pas eu vos dédicaces. Alors vos dédicaces de la semaine dernière passeront ce dimanche. Donc, Accordéon Parade, c'est une émission que vous a proposée, que vous a présentée Michel. Le direct, ça sera dimanche prochain, si je suis là, à partir de 9h jusqu'à 11h. Pour une autre émission d'Accordéon Parade. Réalisée, programmée et présentée par Michel. Animée par ses amis accordéonistes. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine. Et à vous, auditeurs, auditrices de Sorge FM, je vous dis bye bye, à bientôt. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. C'est bientôt le final, on a le cœur joyeux et les yeux pleins d'étoiles. Tout comme on les aime, ces chansons éternelles qui animent le bal. Devant vous, maintenant, dans un refrain chantant, on retrouve ces années, ces printemps éclatants qui arrêtent le temps et qui nous font chanter. Merci, merci pour l'amour et la joie dans les cœurs. Merci, merci, c'est toujours un instant de bonheur. On se reverra dans un jour, dans un mois, dans un an. Qu'importe le temps, ce qui compte, c'est qu'on s'aime vraiment. C'est grâce. C'est Michel qui est en votre compagnie ce dimanche. On vibre. Qui vous propose une heure de dédicace, une heure de détente. Merci. Et je vous dis un grand merci à vous, auditrices, auditeurs de Sorgia FM, vous qui m'avez accroché dans la rue ou en commission. Et croyez-moi, ça fait plaisir. Mais, vous savez, il y a une fin et peut-être que la fin est peut-être pas si loin qu'on ne pense. Je pense que vous avez passé une bonne semaine. Et puis ce dimanche, on va commencer par une étoile des neiges. Merci, merci pour l'amour et la joie dans les cœurs. Merci, merci, c'est toujours un instant de bonheur. avec un grand, grand merci à vous, Martine, pour votre gentillesse et vos petits mots que vous avez mis au bas de la dédicace. Merci à vous, Martine. Ce qui compte, c'est qu'on s'aime vraiment. Et vous nous avez demandé, pour votre plaisir personnel, on va écouter Patrice et Mario qui vont nous interpréter Étoile des Neiges. Pour le plaisir personnel de Martine, avec un grand, grand merci. Cette fois d'argent et de t'aimer toute ma vie, je sais serment. Et là, soupirait la bergère, que répondront nos parents? Comment ferons-nous? Tes beaux yeux, le ciel protège les amoureux. Je pars en voyage pour qu'à mon retour, à tout jamais, plus rien n'empêche notre amour. Et quand les beaux jours fleurir, il s'en revint au amour, et sa fiancée l'attendait tout là-haut, parmi les clochettes des troupeaux. Étoile des neiges, garçon d'honneur, monte en cortège, portant des fleurs, par un mariage, qui dit notre histoire, de la bergère et de son petit savoyard. Thank you. On arrive à midi bientôt, dans 45 minutes, dans 1h45, on va arriver à midi. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Un civet. Ah, vous faites un civet avec quoi? Ah, avec de la polenta. Eh bien, ça, c'est bien, c'est bien. Alors, on va écouter la belle polenta. Et c'est pour le plaisir personnel de Geneviève et de Roland Enméjaille. Alors, pour votre plaisir personnel à tous les deux, deux sympathiques auditeurs de ce GFM, Geneviève et Roland, on va écouter la belle polenta. Quando se pianta la bella polenta se pianta così oh, oh, oh, bella polenta così, cia cia pon, cia cia pon, cia cia pon, cia cia pon. Quando se cresce la bella polenta se cresce così, se pianta così, se cresce così. Oh, oh, oh, oh. Bella polenta così, cia cia pon, cia cia pon, cia cia pon, cia cia pon. Quando sei fiori la bella polenta sei fiore così, se cresce così, se pianta così, sei fiore così. Oh, oh, oh, oh. Bella polenta così, già già pon, già già pon, già già pon, già già pon. Quando si cose la bella polenta si cose così, si fiore così, si cresce così, si pianta così, si cose così. Oh, oh, oh, bella polenta così, già già pon, già già pon, già già pon, già già pon. Quando si smisia la bella polenta si smisia così, se cose così, se fiori così, se cresce così, se pianta così, se smisia così. Oh, oh, oh, oh, bella polenta così, cia cia pon, cia cia pon, cia cia pon, cia cia pon. Quando si taglia la bella polenta si taglia così, si smisce così, si cose così, si fiore così, si cresce così, si pianta così, si taglia così. Oh, oh, oh, bella polenta così, cia cia pon, cia cia pon, cia cia pon, cia cia pon. Quando si gusta la bella polenta si gusta così, si taglia così, si smisce così, si cose così, si fiore così, si cresce così, si pianta così, si gusta così. Oh, oh, oh, bella polenta così, cia cia pon, cia cia pon. Quando si mangia la bella polenta si mangia così, si gusta così, si taglia così, si smisce così, si cose così, si fiori così, si cresce così, si pianta così, si mangia così. Cia cia pon, cia cia pon, cia cia pon, cia cia pon.

les gens de retard, les gens de retard qui ont vécu, ont souffert et sont morts. Merci à Jean-Mi et à Christine de nous avoir fait écouter Les gens du retour par Jean-Marc Leclerc. Et ma foi, je pense que vous nous entendez bien sur Internet dans la région de Nantua. Merci à vous deux et faites-le savoir. Allez, maintenant, on va encore écouter. On va écouter une chanson. On m'a demandé une chanson de Serge Lama, l'Algérie, car il y aura mardi 57 ans que la guerre d'Algérie s'est finie. Alors on m'a demandé, Michel, est-ce que vous pouvez nous passer la guerre d'Algérie par Serge Lama pour les anciens d'AFN de Bellegarde, également en souvenir du soldat Naudi, ancien champion de gymnastique de l'Ain, et c'est de la part de Raymond Doyonna. Voilà, alors on va écouter l'Algérie. Et c'est pour tous les anciens combattants d'AFN. Dans ce port, nous étions des milliers de garçons. Nous n'avions pas le cœur à chanter des chansons. L'aurore était légère, il faisait presque beau. C'était la première fois que je prenais le bateau. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là qu'on est parti jouer les petits soldats. Au balcon, séché draps et serviettes, comme en Italie. On prenait de vieux trains à banquette, on était mal assis. L'Algérie, même avec un fusil, c'était un beau pays, l'Algérie. Ce n'était pas un port à faire du mélo. Et pourtant je vous jure que j'avais le cœur gros. Quand ils ont vu le quai s'éloigner, s'éloigner, y en a qui n'ont pas pu s'empêcher de pleurer. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. C'est là qu'on est parti jouer les petits soldats. Nos fiancés nous écrivaient des lettres avec des mots menteurs. Le soir, on grillait des cigarettes afin d'avoir moins peur. L'Algérie, même avec un fusil, c'était un beau pays. Un port, ce n'est qu'un port, mais dans mes souvenirs, certains soirs, malgré moi, je me vois revenir sur le pont délavé de ce bateau prison. Quand Alger m'a souri au bout de l'horizon. Un bon jour, je raconterai l'histoire à mes petits-enfants du voyage où notre seule gloire c'était d'avoir 20 ans. L'Algérie, avec ou sans fusil, reste un beau pays, l'Algérie. Merci à Serge Lama pour cette merveilleuse chanson. Et comme je vous disais il y a quelques instants, un souvenir également du soldat Naudi, ancien champion de gymnastique de l'Ain, et c'est de la part de Raymond d'Oyonnax. Je pense que Raymond doit nous écouter à Oyonnax, je ne sais pas. Et bien voilà, alors maintenant, et bien on continue toujours encore avec un gentil coup de téléphone la semaine dernière dans les studios de sur GFM. Et c'est Maryse pour notre Michel. Un grand et immense merci pour... alors Michel... Pour ses magnifiques émissions du dimanche matin qui est passé avec vous. Merci à vous, Michel. Alors, Maryse, un grand merci pour ces éloges. Et je pense qu'il faut vite en profiter parce que Michel va bientôt vous quitter. Mais pour le moment, je suis toujours là et on va écouter la valserine. Et c'est Arlette qui nous chante cette chanson, la valserine. Merci, Maryse. Là-haut, au pays des alpages, de ma vallée, c'est le berceau. Un torrent clair, au pays des nuages, jaillit du ciel, là-bas, là-haut. Valse, valse, ma valserine, j'écoute ton clair gazouillis. Autour d'elle sonne et clavine, c'est le chant de mon des rochers où le chevreuil s'élance, où le chamois saute en plein ciel. Entre les fleurs valserines tu danses, les fleurs butées qui font le miel. Valse, valse, ma valserine, j'écoute ton clair gazouillis. Autour d'elle sonne et clarine, c'est le chant de mon étrange sortilège qui prend naissance au Valmijou. Si le vent frais vient du près de la neige, le vent du soir nous rendra fous. Ma vallée la plus verte du monde, ma valserine au nom d'encens. C'est dans ton calme et ta douceur profonde que je voudrais vivre cent ans. Valse, valse, ma valserine, j'écoute ton clair gazouillis. Autour d'elle sonne et clarine, c'est le chant de mon valse, ma valserine, j'écoute ton clair gazouillis. Autour d'elle sonne et clarine, c'est le chant de mon pays. sera ma belle, un nom que j'ai choisi, non pas celui de celles qui naissent à Paris. Il sent bon la campagne, les bois et les montagnes. Ce nom c'est pas querette, ce nom sera le tien. Et voilà, nous arrivons au terme de l'émission, à la fin de l'émission d'Accordéon Parade et de Variété ce dimanche, de dédicace. Mais avant de vous quitter, auditrice, auditeur de Soja FM, j'ai reçu cette semaine une sympathique carte qui nous vient de la rivière à côté de Chédry. C'est Annette et Daniel Rocaret de la Rivière à Chézry qui m'ont écrit une sympathique carte, une jolie carte représentant Chézry naturellement. Michel, 35 années de radio, quel beau parcours! Bravo à vous pour toutes ces années! De musique, de bonheur que vous nous avez partagé. Que vous nous avez fait partager. Je ne vous en souhaite pas autant, mais encore quelques années. Et vous m'avez demandé l'oiseau blanc, mais comme je suis arrivé ce matin, je n'ai pas pu préparer l'oiseau blanc. Et on va aller se promener dans les sentiers jurassiens avec Michel et Claude Genet. Merci à vous Annette, merci à vous Daniel. Vous ne me souhaitez pas autant d'années encore 35, mais quelques-unes encore. Eh bien, détrompez-vous, bientôt, peut-être très bientôt, je vous annoncerai la fin de l'accordéon parade et de dimanche variété. Ceci dit, eh bien, on écoute les accordéonistes jurassiens. C'est pour Annette et Daniel Groscarré à Chézry avec un grand, grand merci. We'll be right back.